listening to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. AC/DC, bien entendu, avec ce Power Up. Ils seront sur scène du côté de Paris. La nouvelle est tombée en début de semaine. Les tickets étaient en vente aujourd'hui et c'est malheureusement déjà complet pour ceux qui voulaient revoir une date de concert d'AC/DC. Bon, peut-être qu'il y en aura qui seront remis en vente, ou il y aura peut-être des reventes sur les sites officiels. Attention bien entendu aux escrocs dans ces cas-là. AC/DC sur scène du côté de l'hippodrome de Longchamp à côté de Paris, ce sera début août prochain. Voilà, en ouverture, Through the Mist of Time, extrait de ce bon album Power Up qui était sorti en plein confinement. Bien sûr que AC/DC n'avait jamais vraiment défendu sur scène. On continue et on commence Overdrive. Ce soir dans l'émission, on aura de l'excellente musique. On aura également une interview avec No Terror in the Bank qui nous appellera un peu plus tard. Mais pour l'heure, c'est l'heure du bon hard rock avec Crazy Licks, les Suédois de Crazy Licks, qui nous sortent cet album compilation Two Shots at Glory sur le label Frontiers Records. Yes, salut à tous dans Overdrive. C'était le groupe Michael Catton, le chanteur Michael Catton avec cet album Point of No Return qui sort sur le label danois, Mighty Music. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir à l'autre bout du fil Alexis du groupe No Terror in the Bang qui nous sort son deuxième album sur la clonosphère. Déjà, est-ce que tu nous entends correctement ? Parfaitement, salut à tous. Eh ben, merci à toi en tout cas de nous présenter ton groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas No Terror in the Bang, on a là un groupe de metal progressif moderne dans le sens où on a un son qui est très travaillé avec des ambiances qui sont développées un petit peu sur le long terme. On n'est pas du tout dans la démonstration instrumentale comme certains groupes en ont fait un petit peu leur marque de fabrique à travers les années. On est plutôt dans un groupe qui diffuse une ambiance assez cinématographique, même si on n'oublie pas bien entendu les riffs assez lourds également et les parties vocale assez furieuse également. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec cette définition et cette présentation de ton groupe ? Ah mais complètement, c'est-à-dire qu'effectivement le côté progressif c'est pas du tout, par exemple comme Symphonix ou Dream Theater ou des groupes comme ça qui sont beaucoup plus dans la technique, etc. Nous c'est comme tu l'as dit, c'est dans les ambiances, dans l'oppression, dans la narration, donc on a un côté très sombre. Mais c'est vrai que c'est aussi progressif parce qu'il y a des morceaux un peu longs qui développent, qui prennent le temps, tu vois. Mais c'est une musique qui est agressive aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de solo, mais il y a un chant qui nous emmène quelque part, qui nous emmène dans des mondes et puis qui peut être très agressif. Oui, d'un point de vue des sonorités, on va dire des parties métal, on ressent certaines influences de la scène un peu djent. Dans le côté sous-accordé, avec un son assez tight, tu vois. Est-ce que tous ces nouveaux groupes vous ont influencé ces dernières années ? Ouais, bah en tout cas, le sous-accordage des guitares, ça fait quand même assez longtemps que c'est là, mais c'est vrai que nous, on est accordéon si, parfois on l'a, mais ça fait assez longtemps que des groupes le font, même Korn à l'époque le faisait déjà. Nous, c'est vrai que les guitaristes sont pas mal influencés par Animals as Leader. Moi, j'aime beaucoup Devin Townsend, Sophia la chanteuse, elle aime beaucoup Ginger, par exemple. Romain, notre claviériste, il aime beaucoup Haken. Donc, on a tous un peu nos idoles et puis ça se retrouve dans notre musique. Néanmoins, vous nous créez là quelque chose d'assez personnel, puisqu'on sent vraiment une volonté d'avoir, on va dire, un concept, un petit peu, alors sans parler vraiment de concept, alors je ne sais pas si c'est vraiment un concept album, mais on n'est pas là dans le sens de raconter une histoire en soi, mais de développer, on va dire, une certaine forme d'esthétique à travers la musique. Quelque chose que vous faites de manière très, bien sûr, sonore et également visuelle, on sent que vous avez, on va dire, été influencé par une certaine forme de musique de film ou alors d'arriver avec du son, de créer des images mentales qui soient assez visuelles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ici. Oui, oui. Mais en tout cas, oui. C'est ce que j'ai pu ressentir à l'écoute de l'album. Oui, oui, c'est gentil de parler de ça, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est effectivement d'essayer d'apporter un petit quelque chose, une petite feuille dans le grand arbre, dans la grande famille qu'est la musique et le métal en particulier. Donc, nous, notre truc, c'était de raconter des histoires assez poussé, avec un style sombre, dark et tout ça, et puis mais dans l'esthétique, effectivement, on aime bien aussi l'art contemporain, par exemple, donc on a fait appel à une photographe pour la pochette, tu vois, qui donne une espèce d'esthétique torturée, enfin, on essaie de faire un tout, effectivement, dans ce qu'on propose, là, je perds le fil. mais oui, dans le côté film, bien sûr. Visuel de la musique, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez développer en soi ? Alors, je ne parle pas vraiment des clips, mais je pense plutôt d'arriver à créer une certaine forme d'image sonore. Ouais, mais complètement. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup, j'étais très impressionné par exemple, par Ennio Morricone, qui, avec peu de moyens, arrive à nous faire complètement voyager, transporter dans le film. Ou même, justement, hier, je suis retombé par hasard sur le CD du Grand Bleu de Eric Serra, la musique, la BO. Donc on est complètement à l'opposé du métal, tu vois, mais c'est des gens qui arrivent finalement avec peu de moyens, avec peu de discours, à embarquer, à épouser complètement un monde, une esthétique. Et donc c'est vrai que j'étais baigné un peu par ça depuis très longtemps, et donc bah j'avais envie en métal de faire un peu la même chose, c'est-à-dire pas forcément que des riffs, pas forcément que de l'agressivité, mais de donner un petit peu de contraste à tout ça et de raconter des histoires. Alors justement, si on revient, ici ça fait un très bon parallèle, parce que si on revient sur le nom du groupe en tant que tel, est une citation d'un réalisateur très connu. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Puisque je pense que, enfin, personnellement, c'était quelque chose, avant d'écouter votre musique, que je ne connaissais pas. Oui, bien sûr. Bah, en fait, quand on a cherché le nom du groupe, évidemment c'est une étape importante pour n'importe quel jeune groupe qui commence. On a beaucoup cherché et on voulait quelque chose en rapport avec le cinéma. Et puis on est tombé par hasard sur une citation d'Alfred Hitchcock, voilà, que tout le monde connaît, le réalisateur qui a fait Les Oiseaux, qui a fait La Corde, etc. Et un jour il a dit dans une interview, there is no terror in the bang, only in the anticipation of it. C'est-à-dire, en fait, en gros, il explique que dans ses films, c'est pas au moment où ça explose, où ça pète, que ça fait peur, mais c'est plutôt dans l'anticipation, quoi, dans le suspense. Et je trouvais ça amusant parce que en métal, souvent, dans le métal extrême, en tout cas, on a souvent, pied au plancher, on va dire. Et nous, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt en montagne russe ou dans l'anticipation. Et je trouvais qu'il y avait un petit côté raccord avec cette citation qui était intéressant. Voilà, on a une expression un petit peu en anglais, je trouve, qui convient parfaitement à ce genre de description, c'est le côté slow burn. Et puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, même dans la description de films, on a souvent ce côté un petit peu slow burn, où on a une certaine forme de montée en puissance qui vient petit à petit s'immiscer et créer une certaine forme de tension. Et je pense que c'est quelque chose que vous cherchez à développer dans votre musique et qui est assez rare quand même dans le métal, comme tu l'as dit, où on a quand même très souvent une certaine forme de, même d'un point de vue sonore, de compression qui fait que c'est souvent nivelé à peu près au même niveau. Donc on retrouve dans votre côté un peu plus, on pourrait dire, de dynamique. Ouais, effectivement. Parce que moi, j'aime beaucoup David Townsend parce que c'est quelqu'un qui a une discographie déjà absolument hallucinante. Et puis, finalement, sur l'ensemble de son œuvre, il y a de la nuance aussi. Après, par rapport au cinéma, effectivement, tu prends un film comme Drive, par exemple. C'est un film, justement, où tu as cette tension qui monte au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, même dans certains films de Tarantino, tu vois, tu retrouves ça Penser au réalisateur Refn aussi. Danois, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu des groupes, enfin des groupes, des films. Bah justement, c'était le réalisateur de Drive, il me semble, le Guerrier silencieux qu'il a fait également, et le film qui se passe en Thaïlande là avec le même acteur que Drive. Donc je trouve qu'on a un peu ce genre d'ambiance qui est assez latente. Ouais, nous ce qu'on fait, on est un peu dans l'urbain, j'ai envie de dire, et puis c'est vrai que la tension, ça fait partie de notre musique, clairement, dès l'ouverture du premier morceau qui s'appelle Hostile, on met en tension, et puis après en détente, enfin il y a une espèce de tension détente effectivement dans ce morceau-là qui est latente, quoi. Et ça, moi j'aime bien en musique. Alors il y a des gens qui sont sensibles plutôt à des choses plus directes, mais bon, après c'est chacun ses goûts. Mais moi je trouve que, puis dans mon histoire personnelle, enfin moi j'aime bien Radiohead par exemple, qui est un groupe qui est pas du tout métal, qui est pop pop avec un petit côté contemporain sur les derniers albums, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tension dans ce qu'ils font aussi, mais une tension douce, quoi, avec des accords bien choisis, hyper sympas, un peu jazzy. On retrouve ça un peu chez nous aussi. On essaye. Lorsqu'on parle souvent de musique, on va dire de film, on pense très souvent à de la musique, on pourrait dire symphonique. Moi, je te fais le cas de, par exemple, Danny Elfman, Hans Zimmer, etc. On sent que vous êtes influencé par la musique de film, mais sans retrouver justement ce côté symphonique, etc. On sent que vous êtes influencé par une autre forme de musique de film, on pourrait dire. Ouais, alors après, Danny Elfman, Hans Zimmer, pour moi, c'est des héros. Enfin, je veux dire, c'est des types que j'adore. Ils ont une carrière incroyable. Tout ce qu'ils font, dès qu'ils touchent quelque chose, ça devient de l'or. Et puis, enfin, ils apportent énormément à la musique, aux films qu'ils font. Enfin, c'est des gens exceptionnels. Donc, forcément, j'ai vu leurs travaux. Interstellar, par exemple, j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, avec de l'orgue, vous voyez, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre aussi moi dans notre musique. Après Danny Elfman, alors c'est très typé, c'est hyper reconnaissable et c'est ce qui fait qu'il est très très fort quoi. Moi j'aime beaucoup. Alors un truc qu'on pourrait citer peut-être pour nos auditeurs, c'est moi j'ai bien aimé à l'époque un film qui s'appelait le film Dracula en fait de Coppola. Ouais. Et c'est un compositeur polonais qui s'appelle Wojciech Kilar qui a fait la musique. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et je crois qu'on le retrouve un petit peu dans certaines orchestrations qu'on fait. Ok, je te propose de passer à un premier titre pour ce soir avec le morceau qui ouvre l'album. Est-ce que tu peux essayer de le présenter? Est-ce qu'il est représentatif, on va dire, de la globalité des ambiances et du son qu'on a sur le disque ou est-ce que c'est un titre un peu particulier? C'est un titre avec pas mal de changements. Il y a un riff assez moderne, un peu à la Ginger, on pourrait dire. Après, il y a un couplet qui prend son temps, un peu plus radioédien, avec un pont qui pourrait faire penser à du Faith No More survitaminé avec Mike Patton, un peu enragé, et puis un petit côté fantôme de l'opéra par-dessus, quoi. Voilà. Je pense qu'on a besoin d'écouter tout ça parce que tu viens de nous citer des choses quand même qu'on a du mal à mettre ensemble. Et en tout cas, c'est vraiment le côté vraiment qu'on peut apprécier dans ces groupes-là qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui nous proposent quelque chose de très personnel tout en ayant vraiment quelque chose qui soit concis, qui tienne debout et qui puisse vraiment être apprécié en tant que tel. Sur l'album Heal par Notera and the Bang, on va envoyer le morceau Hostile. Living in Yes, No Terror in the Bang, avec le morceau introducteur de l'album Heal, deuxième album du groupe qui vient de voir le jour sur la Clonosphère. Alors dis-moi, lorsqu'on a des morceaux comme ceux-ci qui sont un petit peu à tiroir, on pourrait dire, j'essaye en l'écoute de l'album de voir un petit peu comment vous avez pu écrire ça, et la conclusion que j'en tire, c'est que il me semble difficile de jammer, on va dire, pour composer des morceaux comme ça. Donc, comment est-ce que ça se passe chez vous au niveau de l'écriture des morceaux? Est-ce que c'est un morceau qui est écrit par un des musiciens de A à Z, ou alors plein de petits bouts que vous avez mis ensemble, justement, lors de répétitions ou autres? Bah, c'est une super question. En fait, effectivement... on peut pas inventer une musique comme ça tous ensemble. Donc, Hostile, par exemple, c'est un morceau que j'ai écrit au niveau de la musique tout seul. Et Sophia, après, pose son chant et ses paroles dessus. Donc là, sur ce morceau-là, on a été deux à l'inventer, quoi. Alors, c'est souvent comme ça que ça se passe. Sur le nouvel album, Romain, notre claviériste, a écrit trois morceaux. Donc là, c'est des morceaux que lui aussi a conceptualisés globalement tout seul, même si après derrière on retape un petit peu des choses en fonction de nos instruments. Et puis sur certains autres, par exemple le dernier Warrior, c'est effectivement des recherches que j'ai pu faire. Et puis Étienne, par exemple le guitariste, m'a aidé pour faire le pont. Donc en fait, ça part souvent de quelqu'un, puis après il se fait aider pour terminer, pour mettre le dernier vernis, on va dire. Par les copains, quoi. Et Sophia, en tout cas, elle compose toujours ses lignes de chant toute seule, et puis on en parle tous ensemble, voir si ça le fait, quoi. Et justement, vous procédez par démo, enregistrement, maquette, on pourrait dire? Oui, complètement. Après, il y a des choses qu'on teste en vrai, voir si ça le fait, si c'est jouable et tout ça, parce qu'il faut faire attention aussi aux ordinateurs qui sont un peu piégeux, parce que notamment à la batterie, vous pouvez faire des choses très facilement avec l'ordinateur, et vous faites piéger, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les choses les plus rapides ou compliquées qui sont les plus dures à jouer après. C'est, en fait, quand on n'est pas batteur, on peut pas comprendre ça, mais il y a des choses en termes d'assises qui font que des fois, vous faites un truc à un tempo, et puis en fait, un humain derrière n'arrivera pas à le faire exactement pareil avec la même assise. Et il devra accélérer un petit peu ou ralentir. C'est des histoires de détails, en fait. Mais parce que quand on a l'habitude, on sait programmer une batterie pour dans une démo. Mais quand on n'est pas batteur soi-même, c'est compliqué de comprendre cette histoire d'assise, en fait, et de ressenti. Et donc c'est surtout pour des histoires comme ça qu'il faut toujours essayer de repasser un petit peu avant, en vrai, avant d'aller en studio, parce que sinon on se fait avoir. Et toi, justement, tu composes en étant également batteur, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'en fait, comment s'y prend un batteur pour composer? Est-ce que tu pars du rythme, ou alors est-ce que tu joues toi-même d'autres instruments? Oui, en fait, je fais aussi de la basse depuis très longtemps, de la guitare, du piano aussi, même si c'est pas mes instruments premiers, enfin, en termes de, disons que c'est la batterie que je maîtrise le mieux, mais après, comme je fais de la compo depuis très longtemps, je bidouille pas mal, comme pas mal de musiciens, en fait, hein, et ce qui fait qu'à on arrive à faire des maquettes assez facilement, et puis après les copains peuvent passer derrière si c'est mieux, pour que ce soit mieux exécuté, quoi. Ok, voilà. Et justement, comment est-ce que tu commences par quoi en général pour débuter un morceau? Est-ce que c'est plutôt un rythme ou alors une mélodie? Alors, les mélodies de chant, ça c'est Sophia qui les fait. Moi, c'est surtout au piano finalement que je commence. Et j'aime bien, parce que le piano, historiquement, c'est vraiment l'instrument qui où on a tout sous les doigts, quoi, qui contient toute la musique, en fait. Oui. Donc on peut même inventer des riffs de gratte au piano. Ah bah oui. Ça a même l'avantage que, parce que il y a certains groupes où ce sont les guitaristes qui composent, et souvent ils utilisent la corde la plus grave tout le temps. Donc on a des albums, des fois tous les morceaux sont dans les mêmes tonalités, quoi. Ouais, ou en ré, ouais, c'est ça. Donc ça donne un petit côté un peu redondant. Donc l'avantage de composer avec un piano, c'est qu'on peut changer les tonalités et tout ça, ce qui redonne une richesse supplémentaire après dans l'album. Et puis avoir une certaine large gamme de fréquences également, puisque un piano en soi, on va avoir les parties basses à la main gauche et puis la mélodie plutôt à la main droite, ce qui permet d'avoir une musique quand même relativement riche assez facilement. On va dire une guitare où là il faut justement une guitare basse en plus pour avoir le bas du spectre, et puis peut-être une deuxième guitare pour les parties plus aiguës, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même gamme de fréquences. Après, ceci dit, c'est également possible pour un claviériste de composer des parties de guitare qui sont tout simplement pas exécutables, avec des espacements entre les doigts trop larges également. Ouais, bah c'est vrai que c'est là où la connaissance quand même des instruments en général est importante. Effectivement, à partir du moment où on est compositeur, il faut un petit peu connaître les autres instruments, mais ça depuis toujours. Par exemple, les grands noms de la composition classique sont des gens qui, de toute façon, s'intéressaient aux instruments, à la nomenclature et tout. Ils avaient eux-mêmes parfois des amis musiciens, bien sûr, ou des élèves et tout. Et puis, ils s'intéressaient à tous les genres d'instruments pour pouvoir mieux composer pour eux. Ça, c'est important. Alors ensuite, Vas-y. Non, mais j'ai vu une vidéo hier de James Hetfield qui faisait de la batterie. Et vous voyez, enfin, c'est ça, quoi. Notre héros international James Hetfield, je pense qu'il sait jouer de la basse, il sait jouer du piano aussi, de la guitare, de la batterie. Enfin, c'est quelqu'un qui s'intéresse de toute façon aux instruments pour lesquels il compose. Je pense qu'il le crée un peu. Il joue mieux de la batterie que Lars Ulrich ne joue de la guitare. Alors, je dis pas de la batterie, on va pas rentrer dans le débat sur Lars Ulrich ce soir. Néanmoins, je pense qu'il joue mieux de la batterie que Lars Ulrich ne joue de la guitare. Deux, trois fois, pour le délire, bien entendu, il a pris une guitare pour essayer de faire le riff de Am I Evil. C'était parfois un peu brouillon. Mais bon, c'était marrant dans le délire. Pour en revenir à No Terror in the Bang, justement, vous avez un clavier qui vous permet de ramener justement toutes ces orchestrations dans la musique sur scène. Est-ce que vous avez quand même des bandes pour pouvoir faire tout ça? Ou est-ce qu'avec un clavier, c'est possible de tout faire directement en live sans avoir recours à des pistes enregistrées? C'est une très bonne question. Sur le premier album, en fait, Romain essayait de tout jouer, de tout faire. Donc il avait sur scène deux claviers, mais c'était pour lui beaucoup beaucoup de charge mentale, parce que il fallait qu'il sépare ses claviers en quatre, enfin c'était quelque chose d'assez compliqué. Et donc depuis un certain temps, on a trouvé des procédés en fait pour qu'il soit un peu réduit à ce niveau-là. Effectivement, on lance des séquences en même temps, des séquences de cordes, des séquences de nappes, etc., qui complètent ce que lui il fait. Et ça a l'avantage que moi, du coup, à la batterie, je joue au clic, en fait, un métronome, hein, pour ceux qui savent pas, c'est qu'un clic, mais et c'est toi qui déclenche les séquences, du coup. Bah oui, c'est ça, mais donc tout est synchronisé effectivement à la note près, ouais. Ok, j'imagine qu'en plus dans vos styles de musique, c'est quand même quelque chose d'assez écrit, hein. Il y a peu de parties d'improvisation sur scène, à mon sens. Enfin, je vous ai jamais, ouais. J'ai jamais eu la chance de vous voir en concert, mais à l'écoute de l'album, c'est ce qu'on peut quand même ressentir. Là, ça me semble assez logique, on pourrait dire. Oui, mais c'est vrai que la plupart des groupes de métal sont très écrits, en fait. Hein. C'est une musique qui est très écrite et qui est finalement assez proche du classique à ce niveau-là. Je pense que c'est un point commun entre ces deux musiques-là. Oui, dans le métal, on pourrait dire un peu moderne. Alors bien sûr, si on revient aux années 70 et les Deep Purple qui faisaient durer des morceaux pendant 20 minutes, c'était une autre façon de faire. Mais pour moi, Deep Purple, c'est pas du métal. Pour moi, c'est plus du rock. C'est vrai. Enfin, c'est un autre débat. Pour moi, le métal, il est vraiment arrivé avec Judas Priest, Stan Hetka. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est ce moment-là, c'est 78, 79... Même avant 77 peut-être, mais Deep Purple c'est légèrement avant, c'est un côté plus rock finalement, c'est plus proche de Led Zepp, de choses comme ça. Enfin, c'est la vision que j'en ai, en tout cas. Même si des groupes de métal, ensuite, bien entendu, Deep Purple, pour moi, a vraiment donné naissance au métal, entre guillemets, power metal, métal mélodique, avec des morceaux bien sûr. Comme Speed King, et ensuite, bien entendu, Rainbow, avec les Kill the King, etc. Bah, c'est du Stratovarius, etc., avant l'heure, hein, tout simplement. Hein. Ah oui, bah tout est lié de toute façon, c'est juste une histoire de génération en effet. Mais de la même façon que Symphony X sans Yngwie Malmsteen, il y aurait pas. Enfin, bien sûr. Tout est lié, ouais, bien sûr. Après, c'est passionnant. Ces groupes-là se sont focalisés sur une partie de ce que faisaient les anciens en fait, qui était peut-être un peu plus large, parce que forcément le style était moins peut-être défini, on pourrait dire. Le son était moins défini également. Et ils se sont concentrés sur une partie, ils en ont fait un genre en tant que tel, on pourrait dire. Mais bon, là, c'est un autre débat et j'aimerais te recentrer quand même sur No Terror in the Bang ce soir. Alors, ici, si on revient sur le titre de l'album qui est Heal, ce qui est, pour ceux qui ne parlent pas anglais, soigner. Oui. Justement, alors, c'est assez un titre là aussi qui peut laisser à l'imagination de quoi est-ce qu'on se soigne, est-ce qu'il y a eu certaines blessures, est-ce que c'est un titre qui est autobiographique, qu'est-ce qu'il en est? Oui, Sophia forcément, et comme n'importe quelle autrice, parle un petit peu de soi à travers ses paroles, et d'ailleurs même quand on compose de la musique, on parle de soi d'une certaine façon, mais après elle rend ça un peu universel en racontant des histoires, et autant Éclosion parlait beaucoup de souffrance, etc., autant Heal, c'est effectivement la guérison par le combat. C'est la notion de combat qu'elle a voulu développer, la notion de lutte contre ses démons, contre ses ennemis, etc., et contre ce qui nous bloque dans la vie en général. Et donc, c'est une sorte de prise de confiance en soi, en fait. Ok, donc pourrait dire le fait de surmonter certaines épreuves, on a là, même si bien sûr la musique est assez sombre, puisque c'est quand même une esthétique que vous cherchez à développer, on a quand même toujours un faisceau de lumière, on pourrait dire. Ah oui, complètement, mais d'ailleurs il y a une alternance, parce que dans Heal, globalement c'est sombre, mais vous avez quelques passages un peu plus lumineux quand même, et même à la fin, le dernier titre, Warrior, par exemple, on peut pas dire que ce soit franchement, c'est pas triste, hein, c'est un peu plus neutre, contemplatif et puis volontaire, quoi. Alors maintenant, justement, au niveau de la composition, comment est-ce que sont nés ces titres ? Est-ce que ça vient du confinement ? Puisque j'imagine qu'une musique comme ça, le fait d'être isolé, ça peut être un moyen justement d'arriver à avoir de nouvelles idées et vraiment de se concentrer sur la vision de la musique qu'on veut avoir. Alors, le confinement, c'était finalement plus pour le premier, parce que il y a un titre sur le premier album qui s'appelait Poison, qui a été vraiment conçu pendant le confinement. Mais ce deuxième album-là, bon, il est sorti donc là le mois dernier. Il a été enregistré en fait à partir de entre janvier et juin 2023. Mais en fait, on avait mis 2 ans à le conceptualiser, quoi. Donc en fait, c'était pas vraiment pendant le confinement, je crois. Quelques petites maquettes, mais très très très très soft. Ok, alors maintenant, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, vous faites une musique très très conceptuelle. L'aspect visuel est important. On peut également citer plusieurs vidéos que vous avez fait autour, qui sont très bien réalisées, qui sont réalisées de manière très classieuse et dans laquelle vous développez toute votre esthétique et les images et métaphores que vous souhaitez rendre. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la réalisation ? Qui est-ce que c'était ? J'imagine que ça a été une certaine forme de ping-pong entre le groupe et le réalisateur pour essayer de discuter un petit peu de ce que vous vouliez mettre en avant et comment c'était possible de le faire. Ouais, bah là, en fait, là, pour cet album-là, on a décidé de clipper Monster. Monster, c'est un titre qui est particulier parce que c'est une sorte de ballade, en fait. Ça commence très doucement comme une musique de film, vraiment pesante. Puis tout à coup, ça devient une mise en tension pour finir sur un final plutôt puissant, gent. Et donc c'est un morceau qui s'étire, donc on a hésité, mais finalement c'est celui-là qu'on voulait clipper parce que il a une sorte de pesanteur intéressante. Et donc ce titre-là, en fait, c'est un peu l'histoire du petit chaperon rouge, le conte, mais d'origine, c'est-à-dire qu'il finit mal. Et donc dans le clip, on s'est entouré donc de réalisateurs qui s'appellent Lehmann. C'est un duo de réalisateurs donc avec Arthur Delamotte et Maxence Lebroux, qui sont des gens, donc nous on est sur Rouen en fait, pour les gens qui ne savent pas, qui sont des gens qui font des clips dans le coin depuis un certain temps. Et donc on a décidé de tourner dans différents endroits de Normandie qui sont assez intéressants visuellement. Le premier, c'est une friche en fait, près de Rouen, une friche industrielle dans laquelle on a tourné une scène de danse. Un peu crado dans la boue, etc. On est dans un vieux hangar désaffecté. Alors le côté danse, justement, danse contemporaine, on trouvait ça intéressant. Il y a de plus en plus de groupes de métal qui font ça. J'en ai vu quelques-uns et je trouve que ça donne un côté, justement, hyper intéressant, loin des clichés pop, quoi. Mais en métal, ça donne justement un rythme par le corps qui est super intéressant. Donc c'est vrai que je vous invite à aller voir tout ça parce que on a besoin que le clip tourne et puis d'avoir vos avis, ça nous ferait vachement plaisir. Et puis on a tourné aussi dans une cidrerie, une ancienne cidrerie désaffectée qui a été réhabilitée en salle de spectacle et qui s'appelle la cidrerie de Buzzville. En fait, Buzzville, c'est un bled en fait qui est quand vous allez en gros de Paris à Trouville, Deauville, vous passez par l'autoroute de Normandie en fait, et c'est par là. Et il y a une espèce de vieille chapelle qui a été réhabilitée en moderne, en fait, et ça donne un côté hyper mystique. Donc, c'est ce qu'on voit à la fin du clip. Et puis, au début, tout simplement, dans des forêts de chez nous, pour donner un peu le côté petit chaperon rouge, quoi. Donc, ça donne un morceau, un clip, on va dire, plutôt en triptyque, qui est assez intéressant, avec même des scènes de noyade qu'on a fait dans une piscine, etc. Enfin, bref, c'était tout un délire pour nous à tourner, et puis visuellement, effectivement, ça donne un clip qui est, je pense, assez intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées, justement, pour d'autres vidéos extraites de cet album ? Alors les idées, ça manque pas, mais après, c'est vrai que c'est le budget, parce que faire un clip professionnel, c'est beaucoup, beaucoup de budget. Donc là, malheureusement, on arrive au fond du fond des tiroirs, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. À moins qu'il y ait une subvention qui tombe inattendue ou je ne sais quoi, mais ou des ventes d'albums tellement phénoménales qu'on puisse réinvestir, mais bon, c'est pas facile, quoi. Ok, alors avant de passer justement à un deuxième morceau, avec justement le morceau Monster pour ce soir, quels sont les projets pour vous et justement les dates ? Alors je sais que vous étiez sur scène la semaine dernière, il me semble, pour la sortie, ou il y a peut-être 2 semaines pour la sortie de l'album. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de la scène pour No Terror in the Bang ? On a fait la première partie de Massisteria au 106 de Rouen. Donc on était très très honorés de pouvoir faire ça, et puis ça s'est super bien passé. On a pu rencontrer du public et des gens qui sont venus nous voir, etc. Donc ça, c'était hyper et puis, satisfaisant. D'un point de vue stylistique, c'est pas déconnant, No Terror in the Bang avec Massisteria. Forcément, ils sont beaucoup plus directs que vous, mais ils ont quand même ce côté justement à vouloir créer des certaines ambiances avec leur machine, programmation, etc. Ah oui, c'est un groupe qui a une ambiance sur scène, effectivement, complètement. Ils travaillent beaucoup leur visuel, etc. C'est pas un groupe de métal juste brut, quoi, avec des éclairages. Il y a plus que ça, il y a tout un discours, même parfois politique, etc. Donc ils ont beaucoup travaillé leur concept. Donc on était très très honorés de pouvoir faire la première partie. L'année dernière, on avait fait une première partie aussi de Rise of the North Star, pour le coup, qui a rien à voir, qui est plutôt dans le rap metalcore, quoi. Mais on avait été bien reçus aussi par leur public. Et puis donc là, alors on sera bientôt à la Boule Noire à Paris le 26 mars. Donc c'est une date qui est difficile pour nous parce qu'il faut absolument venir nous soutenir. C'est jamais facile d'aller comme ça dans une salle sur Paris. Et puis on jouera en Normandie à Pont-Audemer au mois de juin. On jouera aussi en novembre. Il y a des dates qui sont sur notre site internet que tout le monde peut aller voir. Et puis on a été invité aussi à un festival qui s'appelle Prog Power Europe aux Pays-Bas en octobre. Ah ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Ok. Ok, bon, en tout cas, tout le mérite qu'on vous souhaite, c'est justement, tout le meilleur qu'on vous souhaite, c'est de réaliser, on va dire, une certaine forme de succès autour de cet album, que ce soit commercial ou même d'estime, puisque, comme je l'ai déjà dit, cet album gagne à être connu. Si on est tous un tant soit peu curieux et qu'on n'attend pas tout simplement un énième album de métal traditionnel, même si les riffs, on va dire, métal sont nombreux dans l'album. Alors Monster maintenant, Alexis, merci à toi pour l'interview ce soir. Vraiment super chouette la discussion. Et puis en espérant vous voir du côté de Lyon ou même Saint-Étienne dans les prochaines semaines, voire mois. Massisteria, on en parlait un peu plus tôt, ils seront également du côté du Fil de Saint-Étienne en mars. Restez bien à l'écoute des programmes du 8-9-5, vous devriez peut-être même avoir des places à gagner. En tout cas, merci à toi encore une fois, on s'envoie tout de suite Monster si tu le veux bien. Merci beaucoup. Oh, once upon a day, I saw the monster in the city. My heart beat faster when he looked at me. Well, I just ran away, and then I started praying to a god I do not believe in since few years. And then I found a shelter where I wiped my pain. Petrified, I stopped breathing, so afraid, and I hate that the anxieties came back. And so as the crisis started more violent and so awful than anything in my whole existence. Thank you. Encore une fois, merci à Alexis pour l'interview ce soir. Jetez-vous sur No Terror in the Bang et son album Heal pour tous les amateurs de métal moderne et tout simplement de bonne musique. On continue sur le label Nuclear Blast avec Catalyst, le dernier album de Amarant. Là aussi, on est dans des sphères métal très modernes avec un côté malheureusement, on peut bien le dire, un peu pop. Faites-vous votre idée. Alors certains adorent le côté un petit peu bubblegum avec plusieurs chanteurs, etc. Parfois un peu cliché. D'autres détestent. Faites-vous tout simplement votre propre avis avec Amarant. I try to keep it all a secret, but I can't lie. Ask for some suggestions. Yes, après Amaranth, ça a été au tour de Metalite avec son album Expedition 1 et le morceau Aurora. Pour ce style de power metal, c'est moderne. On est quand même assez loin des premiers albums de Halloween, par exemple. Mais on a un style avec des groupes comme Battle Beast, etc., qui mélange un petit peu ce côté pop avec cette... Power avec ce côté power metal. Exit Eden, maintenant, dans lequel on retrouve la chanteuse Clémentine Delaunay de Vision of Atlantis. Extrait de cet album, ce sera Femme Fatale. Exit Eden. Vous écoutez toujours Radio Dio. Il est 22h, passé de 35 minutes. Hundreds of seduction and a fear. Yes, Exit Eden maintenant. Et on va continuer avec le groupe Samael. Samael tout de suite dans Overdrive et son album Live, dans lequel il reprend l'album Passage en entier. Ce sera le morceau Rain tout de suite dans Overdrive Radio Dio. Et maintenant, on va continuer avec du rapide et du fresh. Et le groupe Antares qui nous sort cet album After the War sur MNO Music. Le trash, on aime bien ça. On aime bien ça dans Overdrive Radio Duo, que ça commence même un peu trop tôt. Allez, c'est parti tout de suite. Antares avec After the War et le morceau Burning Light. We'll be right back. Voilà, maintenant, après Hanferest, on continue avec, là aussi, du méchant Job for a Cowboy, avec son dernier album. Ça s'appelle Moon Healer, tout de suite sur Overdrive, Radio Duo Job for a Cowboy. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 895 de Radio Duo pour 90 minutes de musique qui pulse. On remercie encore une fois No Terror in the Bang. Jetez-vous sur l'album Heal qui vient de voir le jour sur la Clonosphère. Un excellent album de metal moderne et progressif. On se quitte au son de Element Shade et on rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio, les podcasts hébergés sur Mixcloud. Bref, que de la bonne musique. Merci, ciao, bye bye. Clear the skies so I can fall into endless nights of ephemeral stars. Feed my eyes so that I remember we just won under the sun. Bunch of fleas.